La fin d'un rêve de Léo Trésnik. Enregistré pour LibriVox.org. Je la voyais dès l'aube, assise à sa fenêtre. Un peu pâle, jolie et l'ignorant peut-être. Les rideaux entr'ouverts montraient son fin profil et le petit doigt blanc qui relevait le fil avec un geste brusque. Elle travaille, active. Elle est pauvre sans doute. Or, il faut bien qu'on vive. Et je la vois parfois sourire en contemplant sur son poing minuscule, un petit bonnet blanc tout mignon, qu'est le cou d'une aiguille fiévreuse. Et moi, j'imaginais toute une histoire heureuse, un amant qu'on adore et qui revient très tard de son travail, et puis un gros moutard qu'une bonne nourrice élève à la campagne, dans un hameau perdu de la Basse-Bretagne. Un gros gars qui vient bien et qui coûte déjà. Mais dame, savez-vous qu'il a grandi ? Voilà qu'il va sur ses 3 ans, ma foi, c'est presque un homme. Puis il est si gentil. C'est André qu'on le nomme, du nom de son papa. C'est pour lui le bonnet, le beau bonnet tout neuf à jour, en cordonnet qu'en hâte elle finit. Soudain, chassant mon rêve, comme un ballon d'enfant qu'un coup de vent enlève, la portière m'apprit, en rougissant, un soir, que le petit bonnet était un suspensoir. Fin du poème, enregistré par Ezoie, en Belgique, en octobre 2016. Cet enregistrement fait partie du domaine public.